mi pire, tout mon esprit m'y sent encore. Où lève si lumière, une bonne caresse tout au long de mon corps. Mais ça l'était trop beau pour continuer. Mais là, moi, elle est désolée. Mi game, pi garde le secret. Un choix doit être fait, mais on veut pas assumer. Donc moi, mi préfère abandonner. Car baby, mi ama ou à la folie. Baby, c'est mi ressent sera pour la vie. Ouais, et mon cœur il fait mal. Mi n'a la tête plongée dans le brouillard. Et mi sent âme mal. De Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Baby, mi ama ou à la folie. Baby, cette nuit ressent sera pour la vie. Ouais, et mon cœur il fait mal. Mina la tête plongée dans le brouillard. Et mi sent âme mal. De Dieu contre nous n'aura aucune histoire. La tête plongée dans le brouillard. Et Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mina la tête plongée dans le brouillard. Et Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mais baby, si ma décide d'abandonner, c'est que m'a compris. Que m'y pourra jamais conquérir ou t'quir. T'en as déjà un notifié ou de bonheur. Puisque l'Iran a aussi heureuse. Et que ou les si merveilleuse. M'y voudrait pas cause à ou plus de tort. M'y peut pas quand m'y aima ou trop fort. Et toutes les promesses que nous l'avait fait. Toute bonne caresse, toute bonne baiser. S'aller sans cesse dans mon bonne pensée. Et lui va reste toujours gravé. Et même si vous écoutez Réunion Première, il est 10h. Voici le journal de France Info. France Info, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Plus de 300 morts en Haïti. Le bilan de l'ouragan Matthew s'alourdit d'heure en heure et la Floride se prépare au pire. Les autorités américaines sont alarmistes. Le plan pour aider Alstom Belfort n'est rien d'autre qu'un sauvetage électoraliste. Voilà ce que pense une majorité de Français d'après un sondage France Info. Même les sympathisants de gauche partagent cet avis. Dans les écoles, collèges et lycées, on élit les parents d'élèves. L'un d'entre eux nous explique à quoi ça sert. Un coup de bambou dans le rugby français. Trois joueurs sont soupçonnés de s'être dopés aux corticoïdes et notamment le chouchou du public, Dan Carter. C'est une info du journal L'Équipe. France Info. Et d'abord donc l'ouragan Matthew qui pourrait être la tempête la plus violente à s'abattre sur la Floride depuis plus de 100 ans. Oui, c'est ce qu'indique le service météorologique américain. Les autorités multiplient les avertissements. Même le président Obama y est allé de son tweet. On ne peut pas faire plus grave que l'ouragan Matthew. Préparez-vous. Les écoles de la côte sont fermées, les avions cloués au sol. Un signe qui ne trompe pas. Disney a ordonné la fermeture de tous ses parcs d'attractions en Floride. C'est rarissime. Plus de 2 millions d'Américains ont reçu l'ordre d'évacuer la côte atlantique. Mais beaucoup ont préféré se barricader chez eux plutôt que de partir. Frédéric Carbone. Dans le long et effrayant parcours de Matthew le long des côtes de Floride, Jacksonville est en alerte maximale. C'est dans cette région que l'ouragan pourrait, dans les heures qui viennent, frapper le plus durement. Le maire de la ville a ordonné depuis 2 jours l'évacuation, mais cette nuit encore, il devait renouveler ses appels. Ma principale préoccupation, raconte Lenny Curry, c'est que des gens continuent de refuser de partir. Nous ne pourrons pas aller les secourir pendant l'ouragan. Ces récalcitrants ne sont pas majoritaires, mais la force du vent et la montée des eaux les rendent très vulnérables. Ils restent parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs biens ou parce qu'ils ont déjà connu des ouragans. Pendant Hugo, explique cette femme sur une télévision locale, notre maison n'a pas été endommagée, alors nous verrons bien. C'est pour cela que les autorités martèlent qu'il ne s'agit pas d'un ouragan comme un autre et les présentateurs de la chaîne météo relaient ce message. I am not kidding. I cannot overstate the danger of this storm. Je ne plaisante pas, je ne peux pas exagérer le danger qu'il représente. Le temps est presque martial, la Floride est en guerre contre Matthew pendant toute la journée encore et ce n'est qu'après qu'on pourra évaluer les dégâts. Washington, Frédéric Arbonne, France Info. Et avant de toucher les États-Unis, l'ouragan Matthew a dévasté le sud-ouest d'Haïti. Plus les heures passent, plus on se rend compte de l'étendue des dégâts. Certaines villes sont entièrement détruites. Le bilan dépasse les 300 morts d'après un sénateur local. Impossible d'avoir un chiffre précis. Les zones les plus touchées sont toujours très difficiles d'accès. Ce qui se passe à Alep est sans précédent. Rien ne saurait justifier un tel déluge de feu et de morts. Voilà ce que Jean-Marc Ayrault a dit hier à son homologue russe, Sergueï Lavrov. Mais ces mots n'ont pas fait bouger d'un iota la position de la Russie qui continue de soutenir bec et ongle le régime syrien. Le ministre français des Affaires étrangères se rend aujourd'hui à Washington, toujours pour essayer de relancer le cessez-le-feu. Les casques blancs syriens, ils font partie des 376 prétendants pour le prix Nobel de la paix cette année. C'est un record, 376 nominés. Le vainqueur sera connu à 11h. Il est 8h03 sur France Info. Les Français plutôt dubitatifs vis-à-vis du plan de sauvetage d'Alstom Belfort. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa pour France Info. Deux tiers des personnes interrogées estiment que ce plan a été dicté par des raisons électoralistes et qu'en plus, il ne sera pas efficace. Et François Hollande ne peut même pas trouver de réconfort du côté des sympathisants de gauche. Julie-Marie Lecomte. Passe encore que plus de 8 électeurs de droite sur 10 pensent que l'exécutif ne prend pas les bonnes décisions et qu'en plus, ses intentions sont suspectes. Mais la perplexité des sympathisants de gauche est sans doute beaucoup plus inquiétante pour le pouvoir. Bien sûr, ils sont 2 sur 3 à penser que François Hollande et Manuel Valls ont eu raison de s'engager à sauver Alstom et de décider que cela passerait par la commande publique. Mais quasiment la moitié se dit également qu'ils ne l'ont fait que parce qu'on est à 6 mois de l'élection présidentielle et que ce n'est de toute façon que du court terme. Ne même pas être capable de convaincre ce public-là qu'on agit bien pour sauver des emplois et pas pour sauver sa tête est forcément préoccupant. Évidemment, si rien n'avait été fait, si l'usine avait dû fermer, le président et son premier ministre l'auraient payé cash dans l'opinion. L'État ne peut pas tout, mais il peut beaucoup, disait Manuel Valls il y a 3 jours, pour défendre l'action de son gouvernement sur le dossier. Il peut beaucoup peut-être, mais visiblement pas rétablir la confiance. Et cette enquête a été réalisée auprès d'un millier de personnes interrogées par Internet hier et avant-hier. La mise en examen d'un ancien haut policier, Christian Flech, ex-patron de la PJ parisienne. Il est poursuivi notamment pour violation du secret de l'enquête. Il lui est reproché d'avoir dévoilé des éléments sur une enquête en cours à l'ancien patron du renseignement, Bernard Squarcini, reconverti dans le privé. J'ai de contre grenades lacrymogènes. Encore des incidents hier soir en Corse entre nationalistes et forces de l'ordre. Cette fois à Corté, ces violences ont eu lieu après les condamnations à des peines de prison de 3 jeunes nationalistes. Près de 15 millions de parents d'élèves appelés à voter aujourd'hui et demain pour élire leurs représentants. Et si vous ne savez pas à quoi ils servent, Magali Berry vous explique. Elle est parent d'élèves depuis 3 ans en Dordogne. C'est travailler avec l'instituteur par rapport à la vie de l'école, par rapport aux actions qu'on peut mener pour gagner un petit peu d'argent, voilà, pour les sorties scolaires, pour la fête de Noël. Et elle est là, l'importance. S'il n'y a pas de parents qui sont motivés pour défendre tout cela, mais il n'y aura pas de spectacle de fin d'année, il n'y aura pas de spectacle de Noël, il y aura peut-être moins de sorties. Le point essentiel, il est là. Il faut que les gens prennent conscience que l'école, elle est importante et qu'il faut se mobiliser. Oui, ça demande du temps quand il y a des problèmes, par exemple, de relations, de conflits entre parents ou enseignants. C'est très compliqué. Il faut savoir faire le poids des choses. Et après, c'est que 3 réunions dans l'année aussi. Quand tout va bien, tout va bien. Et c'est formidable. Et c'est un investissement qui est intéressant. Le problème, c'est qu'on a du mal à motiver les parents pour ce type de poste. Les premières doses de vaccins contre la grippe sont arrivées en pharmacie. La campagne débute aujourd'hui. C'est gratuit pour plus de 10 millions de Français, les personnes les plus fragiles, comme les plus de 65 ans. Et puis, ces soupçons de dopage dans le rugby. Ouais, des traces de corticoïdes auraient été retrouvées dans les urines de 3 joueurs du Racing 92. Nicolas Taillard, c'est en tout cas une révélation du journal L'Équipe ce matin. Absolument, conditionnel de rigueur évidemment. Alors ce n'était pas n'importe quand, juste après la finale du championnat en juin dernier qui a permis au Racing d'être sacré. Ça ne vise surtout pas n'importe qui, à commencer par l'ouvreur Dan Carter, icône du rugby mondial, champion du monde l'an dernier avec les All Blacks néo-zélandais. Les 2 autres joueurs concernés sont des ailiers, l'Argentin Juan Imhoff et le néo-zélandais Joe Rocoso. Alors selon L'Équipe, des traces de corticoïdes apparaîtraient dans les tests urinaires réalisés par la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a transmis le dossier à la Fédération. Elle a 40 jours pour enquêter sur ces anomalies, voir si l'usage de ces produits était justifié ou si une procédure de sanction doit être lancée. Précision importante, l'utilisation des corticoïdes en compétition est interdite, sauf autorisation. Une AUT, autorisation à usage thérapeutique, dont les trois joueurs épinglés ne disposaient pas selon l'équipe, mais que la loi française permet de présenter a posteriori. Nicolas Teilhard, je vais vous faire de la peine. Kostadinov, ce nom, aïe, comme vous dites, qui fait frémir les fans de l'équipe de France de football, les fans de plus de 30 ans. Émile Kostadinov, celui qui a privé les Bleus du Mondial 94, un but marqué à la toute fin du dernier match de qualification. Kenef, loin devant. Attention Kostadinov. Oh, but. Oh, à 10 secondes. C'est la fin. Voilà, espérons pour les Bleus que l'histoire ne bégaye pas. Les Bleus reçoivent ce soir la Bulgarie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Et il y aura encore un Kostadinov sur les terrains. Georgi Kostadinov, cette fois, c'est pas le même. Coup d'envoi à 20h45 au Stade de France. Oh là là là là là là, c'était Mathilde Munoz. Merci beaucoup. Voici. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Première, il est 10h08. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Le mauvais temps qui persiste, et ce sera encore le cas au moins jusqu'en fin de journée. Les pluies qui intéressent principalement le nord de notre île, du port à Sainte-Rose, en passant donc par Saint-Denis, le beau cirque de Mafate et les planètes et le volcan. Sur le sud, le ciel est gris. L'après-midi, la tendance s'inverse. Les éclaircies deviennent plus durables sur le littoral nord, tandis que les averses deviennent plus fréquentes et plus significatives sur le sud et l'ouest de notre île. Bottes, parapluies, kawé, la totale pour ce vendredi. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes dans la deuxième pour le prix Charles-Émile. C'est pour rappel dans la tirelire, il y a 1 million d'euros. Les pronostics du Fouineur, du GIR, le 7, le 9, le 14, 10, 3, le 13, pardon, 5, 15 et le 8. Je vous les redonne, le 7, le 9, le 14, 10, 13... 5, 15 et le 8. Alors hier, dans la cinquième pour le prix Roland Pouge de Loire, il fallait trouver le 17, le 11, le 7, le 8 et le 9. Le numéro plus, le 0, 4, 81. Vous devez prochainement emménager dans votre nouvelle maison, dans votre nouveau logement. Quelles sont les démarches à faire pour avoir de l'eau au robinet? Que dit surtout votre dernière facture d'eau? Le montant vous semble-t-il élevé? Et quels sont les différents modes de paiement? Vous souhaitez en savoir plus sur le raccordement et sur l'assainissement, qu'il soit collectif ou pas? Combien ça coûte? Les experts sont avec nous jusqu'à 11h30 sur la première, les experts de Veolia Eau. Un seul numéro de téléphone pour nous contacter, le 02 62 90 19 2000, et par SMS au 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montani. Nunca cosquece, mas caminho divide para frente. sí. Oh, llama vida, que no no vela, valor que tengo, boquita da. Experts de Veolia Eau sont dans le studio. Les questions, allez-y, Mathias vous accueille au standard de la première. Profitez de leur présence. 02 62 99 2000. On parlera de l'assainissement, on parlera de votre facture d'eau, des recommandations surtout de nos experts. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Cosmant sur Réunion Première. La langue du pays, la famille, la culture, les traditions. Pour moi, la Réunion, c'est le monde entier en petit. Sur le vivre ensemble quand nous vient d'ailleurs. Cosmant sur la beauté intérieure de la Réunion. Cosmant avec Claude Montanet, tous les samedis de 10h à 11h sur Réunion Première. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir votre boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Et nous les accueillons, nos experts, les experts Veolia Eau sur la première. Marie-Hélène Robustelli, directrice du service clientèle, et Laurent Laïcanton, directeur de l'assainissement. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs sur la première. Alors, les pluies continuent de s'abattre sur certaines régions de notre île, et à chaque pluie, il y a des communiqués de Veolia pour dire attention à la qualité de l'eau. Pourquoi oui. Marie-Hélène Robustelli ? Ben oui, c'est bien, il y a un peu de pluie, ça fait du bien au jardin. Merci. Mais vous pouvez l'arroser aussi si vous voulez. Les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire l'eau, elle est potable. Pourquoi à chaque pluie ? Alors, eh ben, il faut aller acheter des bouteilles d'eau. Alors, acheter des bouteilles, c'est une solution. Il y a aussi possibilité de faire bouillir pendant 3 minutes. Donc, c'est pas partout, hein. C'est sur certains secteurs, où l'eau qui permet d'approvisionner les usagers vient de, c'est une autre surface. Et donc, sur certains secteurs, il y a pas de filtration. Donc, c'est un problème de filtration, c'est ça? De filtration de l'eau en amont de la désinfection. Donc, sur ces secteurs qui sont bien identifiés et pour lesquels il y a des investissements en cours pour faire des filtrations, donc des usines, tant que ces usines ne sont pas opérationnelles, nous faisons passer des communiqués pour prévenir les clients. Donc d'ailleurs, à ce sujet-là, on propose, nous, un service de flash info, puisque les communiqués passent sur Réunion Première. Mais aujourd'hui, on peut aussi recevoir le communiqué directement sur son smartphone ou sur son mail, par SMS. Donc, faut surtout pas hésiter à visiter notre nouveau site. On en parlera, parce que c'est vrai que vous avez inauguré le nouveau site hier soir de Veolia. Alors, c'est vrai que les fortes pluies, ça va continuer, parce qu'on est entré dans la période de l'été. l'été, les fortes pluies, la période cyclonique, donc il y aura assez souvent, en fait, des communiqués de Veolia pour dire attention en tout cas, à la qualité de l'eau, c'est ça? En tout cas, à chaque fois, effectivement, qu'il y a un épisode pluvieux qui est assez important pour que l'eau devienne un peu boueuse, soit plus chargée en éléments nutritifs, mais qui sont pas forcément bons pour nous si c'est pas filtré. Donc oui, à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois qu'on dépasse un certain seuil de turbidité, nous informerons les usagers sur cette dégradation et sur les précautions à prendre. Si vous souhaitez réagir sur la facture, sur l'assainissement non collectif, sur autre chose aussi, des problèmes peut-être avec le raccordement, on est là pour en parler, avec les experts de Veolia au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Un mot sur le site, le nouveau site internet. Ben oui, on l'a attendu longtemps, mais ça y est. On propose... J'y suis là, je suis en train de le regarder. Oui, voilà, donc on vous propose à tous, à nos auditeurs, à toutes les personnes qui sont sur des communes que nous gérons, d'aller visiter ce nouveau site. Donc bon, on l'a modernisé, on a vraiment recentré aussi sur nos clients abonnés, donc qui sont les principales cibles pour pouvoir consulter les infos en temps réel, les fameux flash infos, savoir ce qui se passe, parce que on parle de qualité d'eau, c'est vrai qu'on va rentrer dans une période où il y aura certainement des flash infos sur certains secteurs pour la dégradation de la qualité de l'eau, mais bah, il y a aussi le quotidien, quoi, une grosse casse où on est obligé de manœuvrer sur le réseau. Et donc, grâce à ce système de flash info, on peut prévenir les clients concernés, ciblés sur certains secteurs. Oui. Aussi. Ça peut être une rue, ça peut être 10 rues, un quartier entier, une ville entière. Donc, en étant inscrit à flash info, vous pouvez recevoir l'alerte. Alors, vous choisissez soit les mails, soit les SMS. Il y a aussi l'appli mobile. L'appli mobile, elle vous donne des push pour savoir quand vous êtes concerné, vous avez le flash info. C'est la révolution, Laurent Lacquenton. Oui, on utilise les objets modernes, les nouvelles applications. Oui. Oui. On reviendra sur les factures aussi, parce que c'est possible d'aller sur le site, de faire ses paiements. Voilà, il y a un espace client avec l'e-facture pour ceux qui veulent, qui misent sur l'écologie et les économies de papier qu'on n'a plus envie de stocker à la maison. Il y a aussi également tous les moyens de paiement disponibles, les formalités facilitées. Voilà. Il y a du monde au standard pour réagir. On va les retrouver dans moins de 3 minutes sur Réunion Première au 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000. Les experts de Veolia Eau sont avec nous jusqu'à 11h30. Hey Lily, raconte-nous. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's looking high. but it's true how society says that life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Et voilà la vie en duo, voilà la suite du haut de ses épaules et de son dos. Elle envoie des mots, mais des mots qui tombent à l'eau. Marie-Hélène Robustelli, directrice du service clientèle, et Laurent Laïcanton, le directeur de l'assainissement à Veolia Eau. Ils sont avec nous pour répondre à toutes vos questions au standard de la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Direction la possession, Jean-Yves est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes en voiture, Jean-Yves. Voilà, mais je ne conduis pas. Alors, vous avez un projet de construction. Voilà, j'ai un projet de construction et j'aurais aimé avoir la vérité vraie. La vérité vraie. La vérité vraie, puisque je me suis renseigné, j'ai été sur le site de je ne sais pas si j'ai le droit de donner quelqu'un qui distribue de l'eau. Allez-y. Veolia, mais ils sont là. Voilà. Donc. Et donc j'ai été sur le site de Veolia, c'est écrit. Les fosses septiques sont interdites dans les constructions neuves. Et j'ai mon constructeur qui me dit, il n'y a pas de souci, les fosses septiques sont encore autorisées. Et j'ai appelé le SPANC et le SPANC me dit, si, il n'y a pas de souci. Jean-Yves. J'aurais aimé savoir. Bien sûr, Jean-Yves. Jean-Yves, oui. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Le directeur de l'assainissement est avec moi à mes côtés. Voilà. Donc j'aurais aimé savoir quelle est la vérité vraie là-dessus, parce que je vais pas investir là et dans un an, dans deux ans, on va me dire voilà monsieur, c'est plus aux normes, il faut refaire. Et après j'aurai une autre question à poser aussi. Alors attendez, on va répondre déjà à la première, d'accord? Oui, merci. Laurent Laïcanton. Donc bonjour. Alors apparemment il a plusieurs sons de cloche là. Oui tout à fait. Donc juste pour rappel, hein, donc l'assainissement c'est l'ensemble des méthodes qui consistent à traiter les eaux usées, puisqu'en fait en France il y a le principe en fait du payeur pollueur. Donc en fait chaque personne qui génère des eaux usées est interdit de rejeter ses eaux usées directement au milieu naturel. Il doit donc pour cela traiter ses eaux usées. Donc il y a effectivement deux solutions, soit vous vous raccordez, si c'est possible, à ce qu'on appelle le réseau total égout, donc c'est le réseau collectif d'assainissement qui va acheminer vos eaux usées sur une station d'épuration pour être traitées sur la station d'épuration. Et si jamais vous n'avez pas de réseau collectif qui passe devant chez vous, et ben effectivement la seule solution dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'assainissement non collectif, qui est constitué effectivement d'une fosse septique. Fosse septique, voilà. Donc en fait, pour votre cas, il faut aller vous renseigner au niveau de l'urbanisme, si vous êtes en zone collective ou non collective, c'est-à-dire s'il y a des réseaux tout à l'égout qui passent devant chez vous. Il n'y a pas le tout à l'égout, et ça ne va pas être fait si tôt. Donc dans ce cas-là, la seule solution, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un ANC, c'est le terme exact, hein, donc l'assainissement non collectif, et donc une fosse toute zoo avec un épandage derrière en fait. Voilà, et la surface de votre terrain, Jean-Yves? 412 mètres carrés. 412 mètres carrés. Donc après. Parce que moi, j'ai été sur le site de Veolia. Oui. Et c'est écrit noir sur blanc que les fosses septiques sont interdites pour les maisons neuves. J'ai été rechercher un petit peu sur Internet. Et effectivement, on nous dit que les fosses septiques ne sont pas faites pour traiter les eaux usées, mais seulement les eaux grises ou les eaux vannes. C'est-à-dire les eaux des toilettes. Alors. Il y a plusieurs questions en fait. Il y a plusieurs thèmes dans votre question. La première question, le premier thème, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre en œuvre des fosses septiques. Donc la réponse est claire. Hein. Dès lors qu'il n'y a pas de réseau collectif, donc réseau tout à l'égout, vous devez même mettre en œuvre une solution individuelle pour traiter vos eaux usées. Donc la fosse septique en est une. D'accord. Mais pourquoi, si vous permettez, pourquoi sur votre site c'est écrit les fosses septiques sont interdites dans les constructions neuves? Marie-Hélène Robustelli lève le doigt. Oui, elle a la réponse. Moi, je suis intéressée pour qu'on revoie, que vous nous disiez où vous avez trouvé l'information, puisque. Sur notre site, madame, tout simplement. Sur notre site veolia.re. Voilà. Donc, ben, moi, je vais regarder là, après l'émission, on va j'y aller regarder. Regardez sur votre site. Vous allez dans la barre d'outils, là où il y a l'eau et vous. Oui. Et vous allez sur l'assainissement non collectif. Oui, d'accord. Et, on regardera. Et dessus, voilà. Et dessus, c'est écrit que les fosses septiques sont interdites dans les constructions neuves. Bon, on fera en sorte, en tout cas, que l'information qui soit en ligne soit la bonne. Et donc, on va regarder ça de près. Donc, ceci dit, pour. Moi, j'aurais aimé savoir vraiment. Mais pour conclure, oui. Alors, en fait, donc, oui, il faut qu'il installe cette fosse septique. Ben, il faut que j'installe un système d'assainissement non collectif. Maintenant, mon choix se porte soit sur la fosse septique, soit sur la microstation. Tout à fait. Et sur le site de Veolia, c'est écrit. Les fosses septiques sont interdites dans les constructions neuves. Donc, j'aurais aimé savoir qui serait là-dedans. Jean-Yves, on va regarder sur le site. On va regarder cette information. Et vous savez quoi? On va même vous rappeler pour vous donner la bonne info, d'accord? Mais en tout cas, voilà, vous avez la réponse des experts. Mais juste après l'émission, on vous rappellera. Donc, Veolia, notamment Marie-Hélène Robustelli, va regarder ça de très très près. Elle vous rappelle. Et puis, voilà, d'accord? Voilà. Et j'aurais aimé vous poser une deuxième question. Alors, très rapidement, parce qu'il y a du monde au standard, allez-y, voilà. Allez-y, oui. Parce que je pense que la question est intéressante, puisque, bon, pour être honnête avec vous, donc, moi, c'est plus vers la microstation que je vais m'orienter. Comme il est dit en France, tout pollueur doit payer ce qu'il pollue. Oui. Si je prends une microstation, donc, je traite mes eaux usées, c'est comme un centre d'épuration. Est-ce que je dois payer encore le traitement des eaux usées sur ma facture d'eau? Non. Laurent Lacquenton. Dès lors que vous n'y a pas de réseau d'assainissement collectif devant chez vous, vous n'êtes pas assujetti à la redevance assainissement. Donc sur votre facture, il n'y aura que la partie eau potable. D'accord, ok. Ensuite, effectivement, pour répondre. Moi, je. Bon. Il y a certaines factures qui, malheureusement. Les gens ne sont pas raccordés au tout à l'égout, mais le traitement des eaux usées est facturé. Très vite. Alors, ça c'est une très très bonne question. C'est-à-dire que dès lors où le réseau tout à l'égout existe, même si le propriétaire n'est pas raccordé, et ben il va payer la redevance assainissement. Puisqu'en fait, il y a une règle assez simple, c'est le Code de la santé publique qui oblige tout propriétaire à se raccorder sur le réseau tout à l'égout dès lors qu'il existe. Et en fait, il a 2 ans pour se raccorder. Et s'il ne le fait pas, et malgré ça, la redevance assainissement lui sera appliquée. Il a 2 ans, le délai c'est 2 ans. Tout à fait. Voilà, mais sachez qu'il y a des endroits où il n'y a pas de réseau public d'assainissement et que la taxe sur l'assainissement figure sur les factures d'eau. Jean-Yves, merci beaucoup pour la réponse. On vous rappelle pour vérifier cette info sur le site, d'accord? Merci. À très bientôt sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Alors, on reste à la possession et avec le même prénom. Ça, oui. C'est Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour. Bonjour. Première, bonjour à toutes les invités ainsi que tous les auditeurs. Le vendredi, c'est le jour des Jean-Yves, effectivement. Bonjour Jean-Yves. Oui. Ma question, c'est que, bon, en ce qui concerne l'eau, l'assainissement, possible ça, au niveau des collectivités, ça fait l'objet d'un budget annexe à équilibrer. Oui. C'est pour, je dirais même là, c'est le produit qu'on vend. Mais ma question s'adresse plutôt sur la ressource en eau. Puisque si on veut faire des économies au niveau de la tarification, est-ce qu'il n'a pas lieu d'avoir un réseau interconnecté et de gérer globalement la gestion en eau pour l'île et de voir toutes les possibilités, parce qu'on jette des milliers de mètres cubes, par exemple, à la sortie de la centrale de Rivière Ouais. On pourrait peut-être faire une rétention, même quitte à avancer dans la mer, récupérer cette eau-là, au lieu de prendre de l'eau, là, la chose blanche de Nice au port et de la possession. Concernant la possession, oui. Pour mettre en bouteille, on pourrait prendre cette eau-là pour mettre en bouteille, puisque là, on a fait un équipement lourd, on a mis la centrale le plus bas possible pour tirer le maximum de puissance, on aurait pu le positionner un peu plus haut. C'était comme avant le bras de la plaine, on jetait d'arriver à Saint-Étienne, il fallait des manifestations plantées pour récupérer l'eau du bras de la plaine pour poser les zones basses agricoles de Pierrefonds. Ma question c'était de dire, oui. est-ce qu'il n'a pas lieu de créer, c'est-à-dire il existe un comité de bassin, de créer un organisme qui gère l'eau pour toute l'île. Parce qu'aujourd'hui, un verre d'eau au port, on ne vend pas le même prix qu'un verre d'eau à Saint-Pierre. C'est vrai. Et d'avoir ensuite une péréquation et de voir les moyens d'investissement à long terme. Puisque là, j'ai lu le projet loi sur l'égalité réelle. Là, on parle de l'économie, mais il n'y a pas les vrais débats. C'est-à-dire on discute dans la loi sur l'égalité réelle des trucs qui peuvent être gérés dans les collectivités locales ou dans les institutions. Ça aurait un impact, évidemment. C'est les besoins, c'est-à-dire d'avenir, là, de gérer l'eau et d'avoir, après tout, des investissements pour mutualiser, parce que là, d'une commune à l'autre, c'est pas normal qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, ça fait des années, on habite la Réunion depuis plus de 350 ans, et qu'on est en train encore de dire, bon, ne consommez pas l'eau quand la pluie tombe. On en parlait tout à l'heure, Jean-Yves. Alors qu'on prête l'eau de la Seine, par exemple. On en parle. Il faut des usines de potabilisation, et s'il y a un organisme qui gère ça au niveau de l'île, et on recense les moyens dans toutes les communes, et on met les usines de potabilisation, et puis, petite question, deuxième question, en ce qui concerne Sainte-Thérèse de la Possession. Oui. Les canalisations qui passent sur la départementale qui monte vers Dodane. Tous les mois, ça casse. On répand 20 mètres plus loin, ça recasse, etc. Est-ce qu'il n'a pas lieu de remplacer ce vieux réseau qui, à mon sens, il est pourri. Merci Jean-Yves de la Possession. À très bientôt. Laurent Laïcanton pour répondre à notre auditeur. Alors, le sujet est vaste. Hein, donc, oui, alors, en fait, voilà, pourquoi le prix de l'eau, par exemple, sur le port n'est pas le même prix que le prix de l'eau sur Saint-Pierre ou ailleurs. D'accord. Donc, en fait, pour quelle raison ? Donc, en fait, chaque collectivité a effectivement fixe le tarif de l'eau et de l'assainissement qui est appliqué dans sa commune. Comme Jean-Louis l'a expliqué, donc l'eau paye l'eau en fait. Donc les investissements que fait la collectivité doivent être compensés par la facture des usagers. Donc c'est pour ça que sur la facture des usagers, il y a une partie qui revient à la collectivité pour effectuer les investissements. Donc si une collectivité fait des investissements, et plus effectivement sa part sera importante. Oui, donc le prix de l'eau sera important. Voilà, donc c'est déjà un premier élément de réponse. Ça va dans le même sens aussi que ce que dit Jean-Louis au niveau de la casse des casses récurrentes au niveau de Dodane. Effectivement, donc le renouvellement d'une canalisation correspond à un investissement de la collectivité, et en fait la collectivité avec son budget qui est toute somme limitée également, donc va prioriser ses investissements. Donc soit elle fait de la canalisation, soit elle construit des usines d'eau potable, soit elle construit des canalisations d'assainissement, etc., etc. Et donc en fin de compte, ça correspond. Enfin, chaque collectivité priorise tous les ans ses investissements. Ouais. Marie-Hélène Robustelli. Juste, j'ajouterais que par rapport à ce qu'a dit Laurent et aux remarques de Jean-Yves, effectivement, la réglementation aussi évolue. La politique de l'eau, la politique des territoires, elle évolue. Quand on parle de l'alimentation en eau, de la collecte des eaux usées, ce sont des compétences que doivent assurer une collectivité. Historiquement, c'était chaque commune, chaque petite ville, chaque petit village qui devait gérer compétence, qui est quand même une compétence technique, complexe. Donc elles font encore le choix de déléguer à des entreprises comme nous, Veolia, spécialistes. De déléguer la gestion. Après, les choses évoluent, ces compétences peuvent être, on a le droit aujourd'hui en France de regrouper ces compétences à travers des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, et ce qui permet justement d'avoir un budget plus conséquent et une approche en fait des investissements qui est plus rationnelle. On peut envisager maintenant des interconnexions de réseaux, mais tout ça, c'est vraiment une politique de l'eau. Et les choses évoluent, il faut rassurer Jean-Yves, hein. On va dans le bon sens sur ces sujets-là en France. Nous parlons de votre facture d'eau ce matin, mais aussi des différents modes de paiement, du site internet de Veolia, et puis de l'assainissement. On revient juste après Natacha Atlas sur la première, et vous retrouvez au standard, évidemment, au 02 62 99 2000, et puis par SMS, vous continuez à réagir au 06 92 70 2000. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Allons. Je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse. amoureuse au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Patiente au standard de Réunion Première, Jeannot de Sainte-Suzanne et puis Martial de Saint-Denis. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les démarches à faire pour avoir de l'eau au robinet, la facture d'eau, le montant peut-être qui vous semble élevé. Vous cherchez à avoir des réponses à vos questions surtout. On en parle avec nos experts Marie-Hélène Robustelli et Laurent Laïcanton. Alors Jeannot de Sainte-Suzanne est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, mais une petite question posée à ces deux personnes-là, justement, qui travaillent chez Veolia. Et j'avais dit vraiment la vérité des fois. Parce qu'en fait, mes explications, en fait, j'ai un agriculteur du côté de secteur de Saint-Suzanne, d'accord ? Et au niveau du captage, et à ce niveau-là, on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire, comme ça, en fait, l'accès lui-même, déjà, il est difficile aux ouvriers de Veolia. Et en même temps, quand un petit grain de pli tombe, bien sûr, on va dire ça dans le sens créole, hein, c'est un chien pisse dans les eaux, les affaires bougent directement. Et après, qui ça l'a impacté, c'est les habitants de Bagatelle, cette zone. Et ça, bien souvent, nous gagnons ça souvent, et ça, pas, il date pas d'aujourd'hui, ça, hein. Il date de Mathusalem, on va dire. Parce que mes parents, justement, on a eu un souci, justement, avec cette société-là. Et, dû à ça, nous, là, il fallait bouger, justement, pour donner ça à cette société-là, de donner nous la possibilité de donner à d'autres un passage pour pouvoir accéder plus rapidement, pour pouvoir nettoyer éventuellement les canalisations quand ils bougent plus rapidement pour que la secteur de cette zone la possibilité de faire des travaux plus rapidement. Zala commence, on va dire, grosso modo, tirer les dents. Donc, là-dessus, même pas, franchement, là-dessus, il n'y a pas, m'obliger, obligé de dire ça. Parce que dire aux gens que ils ont fait le nécessaire, ça fait un bon bout de temps. Ça concerne quel secteur de Sainte-Suzanne? C'est le Bagatelle. C'est Bagatelle, hein? Voilà. C'est Bagatelle, c'est une marque de l'eau, mais il n'y a pas plus. Oui, que non, non. Là, on parle du secteur de Bagatelle. Voilà, secteur Bagatelle. Captage plus haut, côté Bassin d'Œuf. C'est le captage? Bassin d'Œuf. Bassin d'Œuf. Déjà, le point d'accès, déjà, c'est les ouvriers, ils montent là-haut, l'obligé. Disons, c'est un parcours combattant. Alors, c'est un parcours combattant, et en plus que ça, dernier coup arrivé, il y a un roche à passer, un roche passe, hein, bon, ce bois il casse, il rentre dans le truc, et après, il passe un autre sur la zone, je me dis, ouais, t'as certain manière. Non, il vaut pas le coup. Parce que tout le monde, il court gastro après. Moi, mon enfant, il a 3 ans, il y en a 5 ans, il y en a 7 ans, disons tous les mois, il me gastro. Il m'a obligé d'acheter un filmètre dessus mon robinet de l'eau. Alors, c'est un problème de filtrage. Jeannot, on va écouter les experts de Veolia, ils vont vous répondre, c'est normal, ils sont là pour ça. Jeannot, on peut comprendre votre colère parce que ça dure, ça fait un moment que c'est là, etc. Oui, non, mais alors, maintenant, on va écouter nos experts, d'accord? Merci beaucoup. S'il vous plaît, merci beaucoup Jeannot. Alors là, on est vraiment sur le problème de filtrage, on est sur le secteur de Bagatelle et ça concerne le bassin Bœuf, on revient juste après. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon et la Mascareigne. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Et je demande à Martial de patienter au standard. On va répondre à la question importante de Jeannot de Bagatelle. Hein. Il parlait de ce problème, notamment de la qualité de l'eau à chaque forte pluie. Laurent Laïcanton et puis Marie-Hélène Robustelli y répondra également. Donc alors, ce secteur de Bassin Bœuf. Donc effectivement, il existe encore certains quartiers de la Réunion où en temps de pluie, l'eau peut devenir impropre à la consommation et qu'il faut donc acheter soit des bouteilles ou faire bouillir l'eau. En fait, juste pour rappel, donc effectivement, Veolia gère des installations qui appartiennent aux collectivités. Donc les collectivités font les investissements avec leur budget eau, donc ils récupèrent une partie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sur la facture d'eau. Et en fait, les collectivités ne peuvent effectivement pas tout faire d'un coup et donc sont obligées de prioriser un certain nombre d'investissements. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui ont été faites au cours des dernières années. Il y a eu des forages qui ont été mis en place sur le secteur de Sainte-Suzanne. Il y a eu des interconnexions qui ont été mises également en place pour relier des zones qui n'étaient pas forcément desservies de manière conforme. Oui, mais il subsiste toujours effectivement certaines zones où il manque des investissements comme une filtration. Et donc aujourd'hui, par temps de pluie ou lorsqu'on a des incidents, effectivement, nos agents sont obligés d'accéder sur des zones qui peuvent être dangereuses. Hein. Donc effectivement, on peut avoir sur le chemin d'accès, comme l'expliquait notre auditeur. Ah oui, il disait que pour y aller au chemin du Bassin Bœuf, bonjour les dégâts, hein, c'est ça. Tout à fait. Hein, donc, Donc aujourd'hui, effectivement, donc ce secteur-là est problématique. Donc à chaque fois qu'il y a des pluies, donc il y a effectivement des encombrants qui peuvent endommager ou en tout cas partiellement obstruer la prise d'eau. Et donc nos agents sont obligés de prendre un certain nombre de risques. Hein. Donc ils connaissent bien leur métier, donc ils sont habitués, mais ils sont obligés pour pouvoir y accéder, d'accéder par des chemins qui sont pas toujours très faciles d'accès, voilà. Alors, est-ce que le problème sera réglé sur le secteur de Bagatelle? Est-ce qu'il faudra encore patienter? Est-ce que Jeannot devra encore aller acheter des bouteilles d'eau à chaque forte pluie? Est-ce qu'on peut donner un délai? Est-ce que tout ça c'est possible ou pas de donner des délais réponses précises? Nous encore une fois, nous sommes le gestionnaire, nous faisons état des problématiques d'alimentation qu'on peut rencontrer. On a des réunions régulières avec la collectivité. L'agence régionale de santé aussi connaît pilote et très regardante à la qualité de l'eau qui est distribuée. Donc, comme on vous le dit, ça prend des investissements, ça prend du temps parce qu'il y a des études à faire de faisabilité. Là, les choses ont quand même évolué ces dernières années sur Sainte-Suzanne. Alors, malheureusement pour notre auditeur, ça va pas jusqu'à lui, mais certains de ses des concitoyens de Sainte-Suzanne ont vu des améliorations grâce à la mise en service de forage. Donc ça prend du temps. Après, en attendant, effectivement, il faut être bien à l'écoute des communiqués. C'est pour ça que nous, on insiste sur les services qu'on peut proposer. Soit la radio, à l'ancienne, soit les SMS ou l'appli mobile pour les plus connectés, pour vraiment avoir de l'information en temps réel, parce que ce qui est essentiel, effectivement, c'est que l'usager soit informé en temps réel de la qualité et de la continuité du service. Martial de Saint-Denis, en direct sur Réunion Première. Bonjour Martial. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Voilà, ma question, elle est simple. C'est pour, par exemple, j'ai un compteur. Le compteur est sous le nom de mon père. J'habite dans la maison, donc je veux faire changer le nom de l'utilisateur du compteur. Ah oui, nice. Et moi, la question que je me pose, c'est que c'est cher et en même temps, c'est compliqué pour le faire. C'est ça que j'essaie de comprendre. Il y a plein de démarches à faire, il y a plein de. Et c'est payant. Je voudrais savoir pourquoi, parce que vu actuellement que l'informatique, il suffit de changer le nom, le prénom de l'adresse, quoi, au niveau de l'adresse du compteur. Ça paraît, c'est vrai, si simple. Pourquoi ce serait compliqué? Alors le compteur d'eau, il est au nom de votre papa. Voilà. Voilà. Donc comme j'habite maintenant dans la maison. Vous habitez, voilà, oui, et donc vous souhaitez. Ouais. Pour payer les factures, je paye les factures sous le nom de mon père. Ouais. Et ben je veux changer au cas où si il tente à disparaître ou bien il y a des problèmes. Donc là mon nom, je sais que c'est à moi. Je téléphone à Veolia, je te pose la question, il faut tel papier, c'est payant, il faut faire comme ci, il faut faire comme... Je me pose la question, et en fin de compte, en général, tous les gens ne changent pas le nom, et ça crée des problèmes par la suite. Martial, oui. Marie-Hélène Robustelli est la directrice du service clientèle de Veolia et elle va vous répondre de suite. Ah, pourquoi c'est compliqué comme ça? Alors compliqué, non, simplement c'est vrai qu'on s'assure, on va s'assurer que la personne qui a l'abonnement, qui est titulaire du contrat, oui. Eh bien la personne qui habite la maison. Donc là dans votre cas, si j'ai bien compris, vous souhaitez que le contrat soit à votre nom et non plus au nom de votre papa. Voilà. Donc effectivement, en temps normal, quand il y a un nouveau titulaire, on fait une résiliation et un abonnement. Dans votre cas, moi je vous invite à vous rapprocher de nos services encore une fois. Vous êtes passé en agence, par téléphone? Par téléphone, on m'a dit que c'est payant. J'ai dit pourquoi payant? Il suffit de taper, changer le nom. Alors est-ce que c'est payant? Le changement de nom, est-ce que c'est payant? Normalement, le changement. Là, on est sur un changement de nom. On, encore une fois, recontacter nos services et on va faire le nécessaire. Après, c'est particulier parce que encore une fois, nous, quand on prend un abonnement ou quand on fait une résiliation, il faut quand même qu'on s'assure que la personne qui se rapproche de nous, elle est légitime à avoir cet abonnement ou elle est légitime à faire cette résiliation. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande des justificatifs. En général, c'est un acte de propriété ou un bail pour justifier que vous habitez dans le logement. Donc, dans votre cas, ça peut être peut-être un document du Trésor public des impôts qui justifie que votre domicile, que vous êtes domicilié à la même adresse que votre papa. Et à ce moment-là, on fera un transfert de nom. Mais c'est payant. Alors, en général, on résilie et on réabonne. On peut dans certains cas. Si c'est un cas comme vous dites, on peut effectivement faire ça sans frais. Mais c'est vraiment dans les cas où on a un changement de. Enfin, c'est quand dans le cas que vous citez là, c'est-à-dire une personne, votre papa dont vous voulez reprendre l'abonnement et le paiement des factures. Oui. Martial, oui. On doit se revoir avec les experts de Veolia dans quelques semaines. Et je m'engage à vous rappeler, d'accord ? Voir si ce compteur est maintenant à votre nom. D'accord ? Donc vous reprenez contact avec nos services. Et simplement, il faudra quand même un justificatif. Justificatif, j'ai tous les papiers. C'est le petit plus de l'émission, c'est qu'on suit un petit peu les dossiers de chacun. Donc ce qui va se passer, c'est que Veolia, les experts vont repartir avec votre numéro de téléphone tout à l'heure. Et puis dans quelques semaines, on reviendra vers vous pour savoir, Martial, alors ce compteur, il est à votre nom ? Vous êtes content ? Ça va ? C'est mieux ? Rassurez-moi, vous avez de l'eau quand même. Ah oui, il n'y a pas de problème. Merci Martial. Voilà. Merci, au revoir. À très bientôt sur Réunion Première. Merci à vous. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Avant d'avoir Didier Dumoufia au téléphone, Laurent Lacanton, vous êtes le directeur de l'assainissement. On peut expliquer aux auditeurs de Réunion Première ce qu'est l'assainissement, s'il vous plaît. Oui, donc une matière la plus synthétique possible, donc effectivement. Pas trop technique. Ouais, hein, voilà. On va essayer de. On entend souvent dire assainissement, mais alors collectif, non collectif, qu'est-ce que c'est? Oui, donc l'assainissement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est globalement les méthodes pour traiter les eaux usées, car on n'a pas le droit de rejeter des eaux usées impropres dans le milieu naturel. Donc, vous devez les traiter. Donc, il y a ensuite deux solutions pour les traiter. Soit vous avez un réseau tout à l'égout qui passe devant chez vous, vous vous raccordez et cette eau usée sera ensuite acheminée sur une station d'épuration qui va la traiter pour vous avant de la rejeter. Ou, s'il n'y a pas de réseau tout à l'égout, vous construisez un assainissement non collectif, donc une fosse septique avec un traitement de dépannage, qui va vous dépolluer vos eaux usées. Mais d'une manière générale, donc la dépollution de vos eaux usées sont obligatoires. C'est le principe pollueur-payeur. C'est ça. Ouais. Alors il y a deux sortes de fosses septiques, nous disent aussi les auditeurs, la fosse en plastique et la fosse en béton. Alors donc sur le sujet de l'ANC. Qu'importe la fosse, c'est. Tout à fait. Donc, au niveau de l'ANC, donc l'assainissement collectif, il existe même beaucoup plus de solutions possibles. Il existe des fosses traditionnelles. Il y a des micro-stations. Il y a des solutions, on va dire aussi plus novatrices. Mais tout cela est normé en fait. Hein, tout cela est normé. Il y a des commissions qui valident les différentes solutions novatrices qui sont envisagées par différents fournisseurs. Et ensuite, au niveau de la qualité, enfin de la fosse, qu'elle soit en béton ou en plastique, tout cela peut être autorisé à partir du moment où elle est normée, en fait. Alors après, il y a aussi l'autre question, c'est tout à l'heure, l'auditeur parlait d'un terrain de 400 mètres carrés. C'est suffisant pour une fosse septique, parce que la zone d'épandage, il faut qu'il y ait de l'espace, hein, d'après ce que j'ai compris aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc après tout dépend. Donc ça son terrain fait 400 mètres carrés, mais il faut voir ensuite si la maison. En fait, il faut surtout voir quelle est la surface qui serait disponible, qui est encore libre pour voir si un épandage traditionnel est possible. Et dans le cas où ce serait pas suffisant, s'il n'y aurait pas assez de surface, et ben dans ce cas-là, il faut prendre ce qu'on appelle des solutions compactes. Donc il y a plusieurs fournisseurs qui propose des solutions. Et en fait, bon, c'est une étude en fait. Hein. Globalement, il faut toujours faire une étude. Quand vous construisez votre maison, quand vous avez un projet de construction, il faut voir, il faut faire effectuer une étude par une entreprise spécialisée qui vous dira si un épandage traditionnel suffit ou s'il faut mettre en œuvre une solution dite plus novatrice avec des solutions compactes. On vous souhaite réagir sur l'assainissement, profiter de la présence de nos experts, mais aussi on peut revenir sur la facture, votre facture d'eau. Je vais saluer Didier au téléphone. Bonjour Didier. Et bonjour, tout bonjour. Ça va Didier, ça va, vous allez bien? Ça va, ça roule bien. Oui, Didier, où souhaite déplacer le compteur d'eau ou reste avec nous, on vient vous chercher dans un peu plus de 5 minutes, d'accord? Okay. Merci de votre fidélité à la première. Alvaro Soler, et puis à 11h, ça sera le flash. Et puis on retrouvera nos experts Marie-Hélène Robustelli et Laurent Lycanton sur Réunion Première. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía. Experts de Veolia Eau jusqu'à 11h30 sur la première. Facture, l'assainissement, le raccordement, les démarches à faire pour l'emménagement, pour avoir de l'eau au robinet. Et puis on parlera aussi du site internet de Veolia. Ce sera juste après l'info puisqu'il est 11h sur la première. Jean-Paul Mélade, bonjour. Bonjour. Météo exceptionnelle hier pour la saison avec des vents exceptionnels qui ont détruit les vergers de mangue à Saint-Paul et des difficultés pour circuler pour les deux roues. Météo France a enregistré des vents à plus de 90 km/h. Aujourd'hui encore, il faut s'attendre à des vents de 60 km/h dans la région. Ces vents extraordinaires sont la conséquence de la dépression Bransby qui se trouve au sud de Madagascar. Nous reviendrons sur ce phénomène à midi. Il est condamné à 4 ans de prison fermée, 25 000 euros d'amende. Le principal accusé faisait entrer de la drogue dite de synthèse, ou encore appelée drogue du cannibale, sur le territoire réunionnais. Le produit se vendait environ 200 euros le gramme. Le trafic a duré entre juin et décembre dernier, avant le démantèlement du réseau. Hier, devant le tribunal, outre l'importateur, il y avait 9 autres personnes, revendeuses et consommatrices. Le principal revendeur séjournera en prison pendant 30 mois et prend une amende de 15 000 euros. Les autres prévenus ont des peines allant de 6 mois avec sursis à 10 mois ferme. Le Dash 8 était arrivé hier soir, un peu après 19h. Il sera basé à Pierrefonds jusqu'au 15 décembre. Les autorités ont mis en place un plan spécifique de lutte contre les incendies. L'année dernière, on a enregistré 262 départs de feu, 198 hectares de végétation qui ont brûlé. Le personnel du CHU est en grève illimitée à partir d'aujourd'hui sur les sites de Saint-Pierre et Saint-Denis. Parmi les revendications, l'accompagnement financier de l'État et le respect du projet social 2016-2018. Il faudra changer vos habitudes si vous prenez le réseau de bus dans l'Ouest. Le TCO a décidé de changer les horaires et les lignes, notamment à la Saline. Le TCO veut proposer des trajets plus directs, ce qui implique donc une nouvelle accommodation pour les usagers. L'opération What démarre ce jour. Initiée par France Télévisions, elle concerne les 18-34 ans. Il sera question de réussite, d'amitié et de sexualité aussi, entre autres. Une enquête pour mieux connaître les besoins et les désirs des jeunes réunionnais à faire en ligne sur génération-what.org. Le tampon en fête pour la 33e édition des Florilèges, c'est depuis une heure. Le parc a pris un coup de jeune grâce aux travaux réalisés par la mairie. Les horticulteurs ne rateront rien cette manifestation qui draine beaucoup de monde. Elle dure jusqu'au 16 octobre. Les fans de Calogero pourront l'applaudir ce soir à 21h30 sur la grande scène. Une autre idée de sortie dans le sud, la Biennale de la photographie 2016 à Saint-Pierre qui se tiendra les 7, 8, 9 octobre dans les jardins de la plage. Dimanche 9, on termine en musique avec à 15h Michael et à 16h, Misty. Fin de ce journal, il sera bientôt 11h03. Retour de l'info nationale et internationale avec France Info. Le plan de sauvetage d'Alstom Belfort présenté cette semaine par l'État ne sera pas efficace à long terme. C'est ce qu'estiment 67% des sondés. Une enquête Odoxa pour France Info qui indique également que 2 Français sur 3 jugent cette mesure électoraliste. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la Syrie et Alep. Le compte-rendu de l'envoyé spécial de l'ONU doit être détaillé. Il estime déjà que les quartiers de l'est de la ville tenus par les rebelles pourraient être totalement détruits d'ici à la fin de l'année si le régime de Damas et les Russes poursuivent leur offensive militaire. Le bilan ne cesse de grimper en Haïti. L'ouragan Matthew a fait plus de 300 morts d'après un sénateur local. Les vents à plus de 200 km/h balayent désormais les côtes américaines et la Floride. État d'urgence, couvre-feu par endroits, 2 millions de personnes ont été évacuées. La grippe saisonnière cause chaque année en France jusqu'à 2000 décès, principalement après 65 ans. À la campagne de vaccination débute aujourd'hui. Plus de 10 millions de personnes ont reçu des bons pour retirer le vaccin gratuitement en pharmacie. L'an dernier, une personne à risque sur 2 seulement s'était fait vacciner. Le deuxième match des éliminatoires du Mondial de foot 2018, France-Bulgarie ce soir. De quoi rappeler certains mauvais souvenirs aux fans des Bleus, puisqu'en 93, les Bulgares avaient privé la France de Mondial. France Info. La météo de ce vendredi. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Le mauvais temps qui persiste, ce sera encore le cas au moins jusqu'en fin de journée. Les pluies qui intéressent principalement le nord, du port à Sainte-Rose, en passant par Saint-Denis, également sur Mafat et dans les plaines et le volcan. Sur le sud, le ciel est gris. Et pour l'après-midi, la tendance s'inverse. Les éclaircies qui deviennent plus durables sur le littoral nord, tandis que les averses deviennent plus fréquentes et plus significatives sur le sud et l'ouest de notre île. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Vous devez prochainement emménager dans votre nouvelle maison, dans votre nouveau logement. Les démarches à faire pour avoir de l'eau au robinet, votre facture d'eau, le montant qui vous semble peut-être élevé, on peut en parler avec nos experts, les différents modes de paiement, le site internet, le nouveau site internet de Veolia. On en parlera aussi avec donc nos invités. Vous souhaitez en savoir plus sur le raccordement et sur l'assainissement, qu'il soit collectif ou pas, combien ça coûte, 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montel. Le chien y aboie, la papoussa, poisson y noie, barreau, mon ville est rouvert, pour calamouin, les parties pour perler, à-t-il de mi-nettoie, mi-fille droite comme le torail, moins mi-coupe par édillon, n'y agace pas d'un fond. À moins mi coupe par édillon, n'y agace pas d'un fond. Flap si tu veux, rouf comme tu veux, la papouse t'y netté. Flap si tu veux, rouf comme tu veux, n'y veux pas mailler. Flap comme tu veux, rouf comme tu veux, la papouse t'y netté. Flap comme tu veux, râle comme tu veux, n'y veux pas mailler. vote pas bataille. Mais faut pas ton famille maille. Mi veille soleil si la mer. Mi vépi la dit la fait mon bémé. Si mi gagne pas travail. Il préfère d'ordonne pas volaille. Voler à carrette son ton maman. Maman j'boite le ton. Voler à carrette son ton maman. Maman j'bré l'astron. Flap si t'y vais rouf comme t'y paie. La papoueuse t'y necté. Flap si t'y vais rouf comme t'y vais. N'y vais pas mailler. Flap comme t'y paie rouf comme t'y vais. La papoueuse t'y necté. Flap comme t'y vais râle comme t'y vais. N'y vais pas mailler. J'imagine rien que la fête. La encore arrive mon tour. Rête la case, sois enfants balayent la cour. T'en encore un peu. Tant que la vie y donne m'attraper. Tire pas mon main si guidon. M'y vais pas ton nom. Tire pas mon main si guidon. M'y vais pas ton nom. Flap si t'y vais, rouf comme t'y paies. La papoueuse t'y necté. Flap si t'y vais, rouf comme t'y vais. M'y vais pas mailler. Flap comme t'y paies, rouf comme t'y vais. La papoueuse t'y necté. Flap comme t'y vais, râle comme t'y vais. M'y vais pas mailler. Flap si t'y vais, rouf comme t'y paies. La papoueuse t'y necté. Flap si t'y vais, rouf comme t'y vais. M'y vais pas mailler. Flap comme t'y paies, rouf comme t'y vais. La papoueuse t'y necté. Flap comme t'y vais, râle comme t'y vais. N'y vais pas mailler. Nanaï, nanaï, ya nanaï, nanaï. Ya nanaï, nanaï, nanaï, nanaï. Pas mariée, ma fille, on respecte votre choix. C'était Yaël Trulès. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Marie-Hélène Robustelli, Laurent Lycanton, les experts de Veolia Eau qui répondent à vos questions jusqu'à 11h30 sur la première au 02 62 99 2000 avant d'avoir Didier au téléphone du Moufia. Alors on va quand même dire notamment toutes les personnes qui seraient intéressées d'en savoir un peu plus sur l'eau. En fait, vous tenez en ce moment un stand à la fête de l'énergie, c'est ça, oui. Les temps salés, oui. Bah effectivement, c'est l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, nous avons un stand sur la commune de l'Étang Salé dans le cadre de la fête de l'énergie. Donc, il y a des activités ludiques pour les plus jeunes, mais on est là aussi pour répondre aux questions que pourraient se poser les personnes qui sont présentes sur le service de l'eau, de l'assainissement. Comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà. Donc, allez-y. D'après mes informations, ils sont à l'abri de la pluie, donc ils peuvent vous accueillir et vous faire passer un moment sympathique. Et c'est jusqu'à 15h30. C'est sur l'étang salé. Alors, information routière de Jean-Claude Machir avec cet accident sur la route du littoral au niveau de la pointe du gouffre en direction de la possession. La voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence la bande d'arrêt d'urgence est neutralisée. Il y a des bouchons depuis la caserne Lambert. Donc, patience aussi, s'il vous plaît. Voilà, donc, prudence aussi, parce qu'avec la pluie, la chaussée glissante. Voilà, donc on reviendra sur cette information routière. Merci Jean-Claude Machir. Didier Dumoufia est avec nous. Rebonjour Didier. Oui, rebonjour. Alors, cette histoire de déplacer le compteur. Oui, en fait, mon souci, c'est que mes habits sont en contrebas par rapport à une chaussée Moufia. Oui. Et donc, là, les travaux de trottoir qui a commencé récemment. Sauf que mon compteur tombe en contrebas dans un trou à peu près d'un mètre de profondeur. Oui, oui, et oui. Le souci, c'est que m'a demandé à faire un dépassement de compteur qui coûte 3,6 euros, je ne sais plus combien. Oui. Et oui. Le problème, c'est que donc, la personne de Veolia demande un temps. Il faudrait compter minimum en 15 jours à 30 jours avant que le technicien appelle pour pouvoir après faire un diagnostic et après mettre en place les travaux. Et mon souci, c'est que donc il y a mis un moellon en train de monter avec un stockage de moellon sur le seul compteur. Et donc, ma peur que l'engin va fouiller pour enlever les roches et risque d'abîmer le compteur qui est en dessous. Et toucher le compteur, oui, c'est ça. Le compteur, ah oui, ah oui. Donc, oui. Donc ce que j'aimerais, c'est que déplacer le compteur plus rapidement. Ah ben ça, je peux comprendre, bien sûr. Non, mais ça, voilà. Et là, vous avez raison de... Parce que là, il y a urgence, surtout. Là, il y a urgence, voilà. Je n'ai pas essayé d'expliquer ça à l'agent qui a reçu, à moi, à Elian. Mais la personne, il ne veut pas entendre en 15 ou 30 jours pour que le technicien n'ait pas la main. Bon. Voilà. Oui, alors on a compris son problème là, hein, oui, parce que les travaux du mur là, ça va démarrer. Donc lui, ben on lui dit 15 jours voire plus. Marie-Hélène Robustelet pour rassurer Didier surtout. Bon, dans un cas comme le vôtre, hein, parce que là on est vraiment sur votre cas personnel particulier. Donc effectivement, il y a des délais parmi nos équipes pour faire les travaux déjà pour initier les travaux de déplacement et donc les effectuer. Donc ça. Comme c'est un cas très particulier, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on récupère vos coordonnées et puis qu'on voit en interne si vraiment on ne peut pas accélérer. Voilà. Accélérer, oui. Voilà. Didier, c'est pas mal, ça, quand même. Hein. Ah ben oui, tout à fait. Oui. Ouais. on fera de notre mieux, on va dire. Ok, merci. Voilà. Et puis, de toute façon, on a votre numéro de téléphone. Oui, d'accord. Voilà, oui, donc je transmets, je fais suivre, et puis on revient vers vous, voilà. Oui. Alors, sur le montant, vous parlez d'une facture de 300 et quelques, c'est ça? Oui, 336,80€, juste pour un déplacement de compteur. Ouais, alors ça, c'est rappelé, effectivement, donc que déplacer un compteur, ce n'est pas gratuit. Non, voilà, c'est à la charge du propriétaire, de la personne qui en fait la demande. Mm-hmm. Après, c'est des tarifs qui sont très cadrés dans le cadre de la prestation que nous faisons et qui est encadrée par la collectivité. Hein. Donc voilà, notre agent a dû faire un métré et donc à évaluer le coût à deviser le coût de ce déplacement à 300 et quelques euros. Laurent Lycanton, c'est si compliqué pour faire déplacer un compteur, ça demande beaucoup de travaux dans ces... Enfin, vu le montant... On n'a pas idée en fait, hein, c'est ça. Oui, vu le montant qui est de 300 euros environ, ça m'a l'air d'être un cas relativement simple. Ouais. Mais effectivement, tout déplacement et tout travail, on va dire, effectivement, et donne lieu à une facturation, ça, voilà, tout à fait, oui. Et donc non, 300 euros, non, c'est plutôt dans une fourchette basse des devis qu'on peut faire. Ouais. Voilà. Didier, donc on prend de vos nouvelles dans quelques temps, et puis toute façon, voilà, Veolia repart avec votre numéro de téléphone. Oui, d'accord, je vous remercie. Merci Didier, merci à vous. On ira retrouver John de Saint-Denis. Tout sport sur Réunion Première. Cette année encore, trois menus sont proposés aux dévoreurs de dénivelé que sont les trailers. Ça s'appelait le semi-raid, ensuite c'est passé sur le trail de Bourbon, on était autour de 90 km. En fait, du coup, connu, la tête il gonfle, chez lui il gonfle, il dépêche le ballon. À tout sport, tous les vendredis à 18h15 sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Joseph, qui souhaite savoir, s'il vous plaît, les experts, pourquoi une telle différence de prix entre le tout à l'égout et la fosse septique, s'il vous plaît? Et qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour déterminer le prix? Laurent Lycanton. Donc, voilà, la différence de prix entre le tout à l'égout et la fosse septique. Alors, déjà, quand il parle du coût de la fosse septique, il parle de l'achat de la fosse septique ou de son entretien? Parce que, en fait, ouais, d'accord. Bon, pour répondre, déjà, c'est la partie tout à l'égout. Donc, Veolia gère donc le réseau de tout à l'égout pour la collectivité qui le mandate pour cela. Les tarifs sont déterminés et sont fixés par le contrat donc qui lie la collectivité à Veolia. Et donc ce tarif, il dépend effectivement du type d'installation que la mairie a investi, donc de la de la station d'épuration, de la longueur des réseaux, voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres qui fait que, ben voilà, plus les usines sont complexes, plus le réseau est étendu, etc. Et bien, plus le coût de l'assainissement globalement va être élevé, et donc plus le coût du mètre cube d'eau assainie sera élevé. Mais chaque collectivité fixe le prix de l'eau en fonction, on va dire, des équipements qui sont sur le réseau. Chaque collectivité. Tout à fait. C'est ça. Donc chaque commune, enfin chaque collectivité compétente fixe le tarif de l'eau et de l'assainissement qui est appliqué sur sa commune. Donc voilà, s'il y a la différence de prix, pour rassurer Joseph, c'est... Alors, a priori, c'est si on parle normal, de l'exploitation, oui. Normalement, le coût doit pas être doit pas être beaucoup plus important, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement sur la Réunion, un mètre cube d'eau assainie, ça coûte environ 1,50€. Donc pour une facture moyenne annuelle aujourd'hui de 120 mètres cubes, ça vous fera une facture annuelle pour la part assainissement d'environ 180€ par an. Or, une fosse septique, normalement, vous devez la vidanger tous les ans. Et tous les ans, la fosse septique doit être vidangée. C'est conseillé de la vidanger tous les ans. Ouais. Et normalement, une vidange de fosse septique, ben, ça dépasse 180€. Quoi. Donc, c'est pour ça que la question demande à être précisée, puisque normalement, la différence de coût entre l'assainissement collectif et non collectif, normalement, la différence de prix ne doit pas être si importante que cela. Alors, un auditeur qui nous laisse sa réaction. Depuis 2014, j'ai un compteur d'eau et pourtant cette eau ne sert qu'à l'arrosage ou pour le nettoyage du poulailler, sachant que la maison n'étant toujours pas construite. Mais voilà, je paie les eaux usées. Est-ce que c'est normal ? Alors, Marie-Hélène Robustelli. Quand un usager vient pour faire une demande de branchement en eau pour alimenter, parce qu'il est dans le cadre d'une construction, il y a ce qu'on appelle la phase de chantier. Donc pendant cette phase-là, on ne va pas lui facturer l'assainissement parce qu'on considère que l'eau qui va être consommée, relevée au compteur, sert pour construire la maison. Au-delà de un an, si ce compteur et si cette maison se trouve sur du réseau collectif, on va lui facturer l'assainissement. Parce que normalement, vu que la maison est neuve, elle est sur une zone d'assainissement collectif. Donc normalement, il faut la connecter au réseau d'assainissement. Donc l'eau part à l'assainissement. Mais là, sa maison n'étant pas construite. Alors, dans ces cas-là, il faut revenir vers nous en nous amenant des justificatifs qui nous permettront effectivement de mettre au dossier que ce compteur d'eau n'alimente pas de maison et en ayant des justificatifs sur les usages et à ce moment-là on pourra étudier et voir si on revoit du coup la facturation de l'assainissement. John de Saint-Denis qui a un manque de pression. Bonjour John. Bonjour à tous les gens sur le plateau. Voilà, moi mon problème c'est que ça fait bien beaucoup de temps. On n'a pas pression d'eau chez nous. Vous savez que le technicien est venu, il a installé une machine sur le robinet pendant deux semaines. Oui, ouais. Et au bout de deux semaines, ça a affiché 0,8 bar. On a contacté plusieurs fois Veolia, on a vu ça avec la mairie. Le technicien est monté avec un responsable pour trouver une solution. Ouais. Et la seule solution que le technicien a pu trouver pour nous, le responsable de Veolia aussi en même temps, c'est de nous embrancher sur le réservoir qui alimente la colline Camélia. Parce que, en fait, le réservoir est juste à 3-4 mètres de chez moi. Vous êtes dans le secteur de la Providence, en fait, là, c'est ça? Non. Moi, je suis Saint-François. Ouais. Saint-François, d'accord. Saint-François, et le réservoir, c'est comme quoi, à 3, 4, 5 mètres de mon portail. Ah oui? Et comme je suis la dernière maison, et du coup, quand les gens ouvrent, chez eux en bas, nous, comme on est la dernière maison, on n'a plus de pression, on n'a rien. On vive le contraire des autres gens, quoi. C'est-à-dire qu'à 4 heures, nous, si les gens arrivent pour faire le bain des enfants, n'importe, nous, on n'a pas d'eau. Si le voisin arrose en bas et l'autre à côté, c'est sûr que nous, on n'aura pas d'eau jusqu'à moins 7 heures. Et du coup, ça fait depuis un bout de temps, et après, on commence à avoir un petit peu fatigant pour nous quand même. Non, mais ça, alors là, je comprends tout à fait. Il y a combien de maisons dans ce chemin? Plus une quinzaine. Quinzaine. Et vous êtes la dernière maison, c'est ça? On est la dernière maison. On est trois maisons concernées. Trois maisons concernées, et nous, on n'a pas de pression. En fait, c'est un tuyau 75 qui alimente toutes les maisons. Oui. Et du coup, arrivé à nous en haut, dernière maison, nous, on n'a rien, quoi. Nous, on a 0,8 bar. On a même enlevé le tamis dans le compteur, on a même fait les trucs. Le gars me dit non, il n'y a pas. Il me dit, on fait quoi avec ça? On a déjà changé la machine, On a un chauffe-eau solaire qui remplit pas. Ah oui, ouais, ouais. On a mis un chauffe-eau solaire et ça a pris 3 jours pour remplir pour que le technicien revienne pour regarder si l'installation était bien faite. Oula, John, on a toutes les données, d'accord? Vous restez avec nous, s'il vous plaît. On va creuser un petit peu, on va chercher, il faut trouver des solutions pour vous. C'est pas normal que vous soyez comme ça, en train de galérer. Voilà, la solution, le technicien nous a dit, ben, c'est la solution qu'il trouve pour nous. Et il a dit, c'est de nous embrancher carrément sur la citerne de la Vacta Colline, qui est juste à côté de chez nous. Nice. Je sais pas comment ils vont faire. Et pour que nous, on a l'impression que les 3 dernières maisons, c'est tout. Après, les autres maisons en bas, ben, eux, c'est normal que juste pour nous. Ouais. Mais du coup, on a téléphoné à la mairie, on a vu avec le maire, ouais. les radios et tout, on a téléphoné, on a posé la question. Mais du coup, ça fait depuis le mois de juillet. John. Oui. Vous permettez que, voilà, on va vous répondre. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Hein. D'accord. On va se creuser un peu la tête, là, parce que ça, c'est important. On peut pas laisser John comme ça. Ça, c'est normal. Allez, on se retrouve juste après. Il vous reste très peu de temps pour contacter Mathias au standard de la première, au 02 62 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000. Les experts de Veolia Eau sont avec nous, Marie-Hélène Robustelli et Laurent Lycanton. Évidemment, donc, pour contacter Mathias au standard de la première, les experts de Veolia qui répondent à toutes les questions au 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. John, merci d'avoir patienté. Marie-Hélène Robustelli, directrice du service clientèle, et Laurent Lycanton, le directeur de l'assainissement, sont avec nous. Et pour répondre évidemment sur le cas précis de John, parce que c'est vrai que là, il habite en fin du chemin, c'est ça, hein, John, hein? Et en fait, la pression, vous ne l'avez plus. Voilà. On n'a pas de pression du tout, nous. Marie-Hélène Robustelli. Bon, donc nous avons bien entendu votre problématique. Nous n'allons pas parler non plus à la place de nos collègues, notre responsable qui est passé et qui a donc a priori une solution pour trouver une solution à moyen terme pour vous. Donc après, c'est le temps effectivement que cette solution soit mise en œuvre, qui pour vous, je pense, paraît longue, puisque vous parlez de juillet, c'est depuis juillet 2016. Non, depuis que nous on a notre compteur, ça fait moins de 2014. Ouais, ça fait depuis qu'on a le compteur, c'est comme ça, et du coup, à un moment donné, on a commencé à avoir des descendants à Veolia, même d'appeler le technicien, parce qu'à un moment donné, on a appelé le technicien. Le technicien, dès qu'il est arrivé chez nous, il me dit, ici, c'est quoi le problème? Il a déjà téléphoné, il téléphone au responsable devant moi, et à chaque fois, il dit, ouais, c'est toujours là, telle adresse, et c'est quoi la solution pour eux? Ouais, je vous monte là. Mais après, arrivé là-haut, il n'y a rien, quoi. Depuis aujourd'hui, on n'a rien, quoi. C'est ça le problème. Donc, ce que nous pouvons vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre connaissance de votre dossier et de nous rapprocher à la fois en interne de nos collègues et puis voir aussi au niveau des services de la mairie pour voir sous quel délai on sera en capacité de régler votre problème. Donc, on va bien prendre vos coordonnées. Je m'engage à vraiment regarder votre dossier pour voir ce qu'il en est. John, c'est bon pour vous? Ah oui, c'est excellent, parce que le problème, c'est qu'il y a un peu comme je dis, ma femme est enfin maternelle, quoi. Elle a des petits bébés, elle a 4 enfants à surveiller, c'est des enfants de moins de 2 ans. Du coup, le problème, c'est que nous, on est obligé de acheter beaucoup de packs d'eau, on est obligé de prendre des réserves d'eau, quoi. Et c'est embêtant après mon nez pour nous-mêmes, pour prendre le bain pour nous et nos enfants, surtout pour son travail à elle, quoi. Ouais, non, mais alors là, en plus, avec le boulot qu'elle fait, à la maison, en plus, avec les enfants. Il faut de l'eau, ça c'est normal, il faut de la pression, voilà. Ouais. De toute façon, même le gars technicien, il est rentré dans la maison, je l'ai mis dans la maison, j'ai fait couler l'eau dans la salle de bain pour lui, et je lui ai demandé, est-ce que en arrivant chez vous ce soir, vous prenez un bain avec l'eau comme ça? Il m'a dit, il n'y a pas d'eau, il m'a dit, voilà. Ouais. Nous, on vit comme ça tous les soirs, tout le temps. On est le contraire des gens, on se baigne très tard, on fait la machine à minuit, on est décalé par rapport aux autres, les autres gens, quoi. On arrive même parfois à descendre en bas, demander au voisin, est-ce que vous pouvez arrêter l'arrosage juste pour prendre le bain? Ah oui, d'accord, ça va jusque-là, mais on ne peut pas vous laisser dans cette situation, John. Vous avez entendu, Marie-Hélène Robustelli vous rappelle dans quelques jours, mais elle s'occupera de votre dossier, d'accord? D'accord, merci bien en tout cas. Merci à tous. Merci d'avoir appelé, ça nous fait plaisir que là vous parlez avec le sourire, c'est bien ça. On regarde ça. Merci à vous John, merci. Bon week-end à vous. Sandrine de Saint-Denis, bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour, alors votre facture d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est de Saint-Louis en fin de compte. C'est de Saint-Louis, c'est pas Saint-Denis? Oui. Non, c'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis, oui très bien, oui. Sandrine de Saint-Louis. Voilà, en fin de compte, j'appelle de la part de mon père, qui est sourd et muet. Il vit seul, il est âgé. Et il a eu une facture d'eau le mois dernier de 1902 €. D'accord. Il a eu une consommation de 680 m3 d'eau. Oui. J'ai appelé Veolia qui est venue à la maison, il n'y a pas de suite. J'ai appelé la SHLMR, il n'y a pas de suite. Et or que toutes ces factures de précédentes, ça ne dépassait pas 100 €. Je voulais savoir le pourquoi de la autant de consommation. Alors ça surprend, c'est vrai, la facture d'eau, donc la dernière, 1902, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et votre père aurait consommé 680 mètres cubes, c'est ça? Oui, c'est ça, 680, oui. Il habite tout seul? Il habite seul. Ouais. Et bonjour. Oui, bonjour. Il habite dans une maison ou dans un appartement? Dans une maison avec une petite courette, pas de grand jardin, quelques pots de fleurs, on va dire, mais sinon pas plus que. Bah oui, non, c'est surtout pas ces pots de fleurs là Vous dites que la consommation, le volume, il est passé de combien à combien? Alors, le dernier, la dernière consommation que j'avais, il avait une facture de 79 euros au 19,05, qui était de 28 mètres carrés. Oui, 28 mètres cubes, d'accord. 28 mètres cubes, voilà. Et là, la consommation du 26-08-2016, elle est à 681 mètres carrés, mètres cubes. Et donc, ok, et notre agent est déjà passé pour faire une vérification de l'index ? Oui, oui. D'accord. Donc effectivement, là, en général, et le compteur ne tourne pas quand... Non. Il y a, donc là, effectivement, on est quand même sur un cas un peu particulier. Est-ce qu'il y a possibilité que quelqu'un... puisse venir ouvrir un robinet dans le jardin ou De son papa? Non, pas du tout. Non, il y a un grand portail et il y a toujours quelqu'un à la maison. Non, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, là aussi, dans votre cas particulier, parce que si je parle en général, quand on a comme ça, on multiplie par 6 la consommation, c'est soit on change ses usages à la maison, on laisse tout ouvert. Oui, voilà. Je pense pas que votre papa se fait des bains trois fois par jour. Plus sérieusement, en général, c'est soit donc on a construit une piscine, on la remplit, on arrose beaucoup, ou alors c'est qu'il y a une fuite et à ce moment-là, le compteur tourne en permanence. Et donc, mais apparemment, il n'y a pas de fuite. Donc, dans ces cas-là, nous, de toute façon, on étudie le dossier et lorsque c'est une fuite, si la fuite après est réparée, on peut faire un geste et un dégrèvement. Oui. Là, dans votre cas, encore une fois, bien particulier, là aussi, je vais reprendre contact avec vous et on va regarder votre dossier vraiment dans le détail parce que là, à part une évaporation, faut vraiment qu'on regarde votre cas particulier dans le détail. Ah, super, ouais. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Alors, la facture habituellement donc, de votre papa, c'est Le montant ? Oui. 79 euros, 69 euros dans ces eaux-là. Ouais, et là, c'est 1902 euros. Là. Ouais. 1902 euros et 31 centimes. Bon, alors, j'ai pas noté les centimes. 31 centimes. Voilà. Voilà. Bon, très bien, on vous rappelle Sandrine, d'accord ? Ok, merci beaucoup. À très bientôt sur Réunion Première. Merci, au revoir. On fait un point sur, évidemment, donc avant de se quitter, Marie-Hélène Robustelli et Laurent Lycanton. Alors, sur le site internet, on y est, donc on peut faire des paiements, enfin les paiements en ligne, c'est possible. Oui, donc en fait, comme je disais tout à l'heure, nous invitons vraiment nos clients à aller découvrir cette nouvelle version du site parce qu'elle est vraiment tournée vers eux hein, en premier lieu. Donc avec un service client plus accessible, en créant leur espace client, ils vont vraiment avoir accès à la fois au paiement, ils peuvent payer en ligne par carte bleue. Ils vont visualiser leurs factures, ils vont visualiser leur consommation, l'évolution de leur consommation. Ils vont pouvoir adhérer à des modes de paiement, mensualisation, qui permet quand même d'étaler la facture dans le temps. Ensuite, ils vont pouvoir souscrire au Flash Info, être informés en temps réel sur ça. Et puis, pour nos nouveaux clients, ceux qui n'ont pas encore la chance d'être sur une des communes que nous gérons et qui vont aménager sur une de ces communes, nous avons mis en place un formulaire en ligne qui permet, sans attendre son tour au téléphone, en quelques clics, en nous donnant les informations nécessaires et qui sont indiquées pour un abonnement, nous allons prendre en compte l'abonnement et ils auront en retour... une sous 24 heures l'eau et le kit abonnement avec toutes les informations relatives au service de l'eau et de l'assainissement sur leur commune. Ensuite, il y a aussi des infos sur la qualité de l'eau, on en a beaucoup parlé. Donc, connaître la qualité de l'eau des services sur leur commune et sur leur secteur. Donc voilà, un site résolument moderne et avec aussi l'appli mobile. Vraiment, on a vraiment misé sur des services de proximité et faciliter le contact avec nos agents. Les démarches à faire, elles sont longues ou pas très rapides pour une personne qui emménage Pour un abonnement, c'est en trois pages, ça prend trois à cinq minutes. Ouais. Et surtout, nous, dans la foulée, ça nous permet d'optimiser le traitement et de pouvoir faire l'ouverture sous 24 heures. Hein. Alors, si je fais la demande ce matin, chez nous, demain à la maison matin. Demain matin, oui. 24 heures après. Oui. Ouais. C'est notre engagement.

feeling is coming from you. And it's holding me tight and don't let go. We're ticking like tic-tac-toe. This is all the best and the great we know. The best man you ever know. You love my style, love my flow. And I take you places you always dreaming to go. This is how she put a hold on me. Now she said my life, this is all I'm dreaming it to be. Would I love me? This is how I wanna be. This is how I want my love to feel. Oh me, oh my. What a girl sexy, what a girl fly, yeah. I'm trying the very first time, stuck in my mind, it's like me get tired, yeah. When she put it on the left, I just fling it on the right. Mash up the whole of me life. Me say me I forget and let her try. Because it's nice. She put a hold on me. Now she said my life, this is all I'm dreaming it to be. Would I love me? This is how I wanna be. This is how I see. If I put my heart on you, this is how my love and this is how I see me getting you. Put your all on me. This is how I want it. This is how I see you and me. This loving you give to me drive me crazy. This is all I want my love to be. Midi moins 10 sur Réunion Première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Cheffard Vivien Michel. Monsieur Cheffard Vivien Michel, décès survenu à l'âge de 81 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Bois-Rouge pour aujourd'hui à 16h. L'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Monsieur Téchard Jean Bernard. Monsieur Téchard Jean Bernard, décès survenu à l'âge de 51 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud demain samedi 8 octobre à 14h. La bénédiction se fera en l'église de Saint-Louis à 15h, l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Monsieur Languéfina-Paul Diroland. Monsieur Languéfina-Paul Diroland, décès survenu à l'âge de 77 ans. Le convoi sortira de son domicile au 24 rue Gabriel Vaillabori à Saint-André à 14h30 aujourd'hui. La bénédiction se fera en l'église de Sainte-Bernadette à 15h, l'inhumation au cimetière de Saint-André, cimetière-ville. Décès de Monsieur Posé-Christophe Léon, Monsieur Posé-Christophe Léon, décès survenu à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 3, lotissement Mogalia, chemin Lagourgue à Saint-André. Aujourd'hui, vendredi 7 octobre, la bénédiction se fera en l'église de Chamborne à 15h, l'inhumation au cimetière de Chamborne. Le décès de Madame Devigne, née Avella Maddalena Maria. Madame Devigne, née Avella Maddalena Maria, décès survenu à l'âge de 93 ans. La veillée se fait à la maison de retraite Saint-Joseph. Le convoi sortira de la maison de retraite aujourd'hui à 14h15. La bénédiction en l'église du Butor à 15h. L'inhumation au cimetière des Lianes à Saint-Joseph. Décès de Monsieur Téchard Jean-Louis Dipousset. Monsieur Téchard Jean-Louis, décès survenu à l'âge de 37 ans. Le convoi sortira de chez sa maman Téchard Pierrette au 14 lotissement Tommy, Bras-Fusil à Saint-Benoît aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en la chapelle de Bras-Fusil à 15h30. L'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Madame Némonide Némiquel Marie-Nicole. Madame Némonide Némiquel Marie-Nicole, décès survenu à l'âge de 73 ans. Le convoi sortira de son domicile au 26. Lotissement Combava, Plateau Caillou à Saint-Paul. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Mariaï Maurice. Monsieur Mariaï Maurice, décès survenu à l'âge de 79 ans. Le convoi sortira du 202 chemin Dolphin, bras des Chevrettes à Saint-André. Aujourd'hui, vendredi 7 octobre, à 15h30, la bénédiction en l'église de Mansiol, bras des Chevrettes à 16h, l'inhumation au cimetière paysager de Chamborne. Décès de Madame Gigant Rita Lucille. Madame Gigant Rita Lucille, décès survenu à l'âge de 87 ans. La veillée se tient au centre funéraire de la ligne Paradis. La bénédiction aura lieu en la chapelle du centre funéraire sud. Aujourd'hui à 14h30, l'inhumation au cimetière du Tampon. Et le décès de Madame Armino Ernestine Dittina. Madame Armino Ernestine Dittina, domiciliée au 18 rue des Marquis, lotissement Les Rosiers à Saint-Denis, décès survenu à l'âge de 76 ans. La veillée se fait au centre funéraire de Prima. La bénédiction se fera en la chapelle du centre funéraire de Prima à 15h, aujourd'hui vendredi 7 octobre, l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Petit communiqué de l'EFS, l'établissement français du sang, avec une collecte prévue demain, samedi 8 octobre, parce qu'il y a des collectes de prévues le samedi matin maintenant, donc à l'EFS de Saint-Denis, alors c'est de 8h à 13h, et à l'EFS de Saint-Pierre, de 8h à 13h. À 12h15 sur Réunion Première, nous reviendrons sur la visite de Latifa Ibn Ziaten dans le département, dans les coulisses. C'est ce magazine de la rédaction de Réunion Première. Donc l'ambassadrice de la paix avec son association IMAD pour la jeunesse et la paix a multiplié les rencontres dans notre île. Retour tout à l'heure sur la première. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. Even after all these years, yes, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true. I don't know. voyons comme à l'émotion. Six épaules, mon talon. Il voudrait mon corps y explore. L'idée vole. Un papillon, un petit vibration. Six épaules, mon talon. D'un étincelle, la musique filtre mon soleil. Il décapsule mon lampe, fait couler mon soin. Mon torse en banane, Paul est mis sous pied de bois là. Non, mais ça y passe à Menzana, mon bonheur, mon jacquard. Le souffle, le vent, si mon beau, qui vit mon ras d'endo. Dave la vie, dave l'amour, mon esprit, il va d'un pédo. M'y voudrait mon corps, il explose, l'idée pose. Un papillon comme à l'émotion, six épaules, mon ballon. M'y voudrait mon corps y explore, l'idée pose. Un papillon, une petit vibration, six épaules, mon ballon. Les bonnes sommets, sapin excibré. Mon imagination n'y plane comme paillon qui ne rempart. Laisse mon corps pourri en flemme. Ma douille veut mort ici même. Creuse un trou pour son vieux corps. D'une la défrée pas d'un nom. N'y voudrait mon corps y explore. L'idée pose. Un papillon comme à l'émotion. Six épaules, mon ballon. M'y voudrait mon corps y explore. L'idée pose. Un papillon, un petit vibration. Six épaules, mon talon. Le meilleur de la musique locale sur la première avec Grain de Sommet, Papillon. Bon appétit, pardon à tous, bon week-end. Il est midi avec la première. Le journal Jean-Paul Mélade, bonjour. Bonjour. Conditions météorologiques mauvaises depuis 48 heures sur la Réunion. Hier, l'Ouest a souffert, les vergers ont perdu des milliers de mangues à cause d'un vent fort exceptionnel pour la saison. L'enquête publique sur la carrière de bois blanc à Saint-Leu a pris fin, mais les obstacles sont encore nombreux avant l'épilogue, un feuilleton administratif qui peut durer longtemps. Il a risqué sa vie pour repêcher un surfeur mordu par un requin. Au passage, il perd un pied et devient handicapé. Bertrand Babeuf sera décoré par le préfet de la médaille de la bravoure et du courage. Début des florilèges aujourd'hui, une manifestation prévue pour durer jusqu'au 16 octobre, au tampon, ce soir Calogero, au milieu des fleurs, à 21h30. Météo exceptionnelle hier avec des vents exceptionnels qui ont détruit les vergers de mangue à Saint-Paul et des difficultés pour circuler pour les deux roues. À quoi cela est dû? Jacques Écormier, chef prévisionniste à Météo France. C'est une, on va dire selon les conséquences indirectes de notre dépression subtropicale qui a induit un flux de secteur nord-est à nord sur la Réunion avec un renforcement sur l'ouest. Donc de ce fait, on a eu donc ce vent avec des rafales quand même qui ont atteint 93 km/h au Pitomaïdo, de l'ordre de plus de 70 km/h sur Petite-France, ce qui est rare quand même en dehors des saisons cycloniques, et également sur le littoral, des